Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un film pour se faire peur. Deux astronautes, le lieutenant Peyton et le caporal Bower, se réveillent dans leur gigantesque vaisseau spatial après un long séjour en hypersommeil. Désorientés et plongés dans le noir, ils ne se souviennent ni de leur identité, ni de leur mission. Où est le reste de l'équipage ? J'en ai aucune idée, lieutenant. Ici le lieutenant Peyton. Répondez. Mais où ils sont tous ? Peyton ! Nos femmes. Elles sont à bord, quelque part. Y'a quelqu'un ? Jamais vous vous en sortirez. Courez ! Ces choses là-dedans... Elles semblent pas humaines. Elles sont rapides. Non ! Elles sont plus fortes que vous croyez. Si elles vous attaquent, courez ! Qu'est-ce qui s'est passé ? On devient comme elles. Oh mon Dieu. Ma femme, je dois la retrouver. Pandorum. Un film de Christian Alvar avec Dennis Quaid et Ben Foster, un DVD M6 Vidéo.